Avec des précautions infinies, je commençais à lui parler de son aventure pour tâcher de m'en faire une alliée. Mais elle n'eut pas peur confuse le moins du monde. Elle m'écoutait de l'air d'une personne qui s'amuse beaucoup. Je lui disais « Songez donc, mademoiselle, à tous les ennuis que vous aurez. Il vous faudra comparaître devant le tribunal, affronter les regards malicieux, parler en face de tout ce monde, raconter publiquement cette triste scène du wagon. Voyons, entre nous, n'auriez-vous pas mieux fait de ne rien dire, de remettre à sa place ce polisson sans appeler les employés, et de changer simplement de voiture ?» Elle se mit à rire. « C'est vrai ce que vous dites, mais que voulez-vous? J'ai eu peur, et quand on a peur, on ne raisonne plus. Après avoir compris la situation, j'ai bien regretté mes cris, mais il était trop tard. Songez aussi que cet imbécile s'est jeté sur moi comme un furieux, sans prononcer un mot, avec une figure de fou. Je ne savais même pas ce qu'il me voulait. » Elle me regardait en face, sans être troublée ou intimidée. Je me disais, « Mais c'est une gaillarde, cette fille. Je comprends que ce cochon de Morin se soit trompé. » Je repris en badinant, « Voyons, mademoiselle, avouez qu'il était excusable, car enfin, on ne peut pas se trouver en face d'une aussi belle personne que vous, sans éprouver le désir absolument légitime de l'embrasser. » Elle rit plus fort, toutes les dents au vent. « Entre le désir et l'action, monsieur, il y a place pour le respect. » La phrase était drôle, bien que peu claire. Je demandai brusquement, « Eh bien voyons, si je vous embrassais, moi, maintenant, qu'est-ce que vous feriez ?» Elle s'arrêta pour me considérer du haut en bas, puis elle dit tranquillement, « Oh, vous, ce n'est pas la même chose. » Je le savais bien, parbleu, que ce n'était pas la même chose, puisqu'on m'appelait, dans toute la province, le beau la barbe. J'avais 30 ans, alors. Mais je demandai, « Pourquoi ça ?» Elle haussa les épaules et répondit, « Tiens, « parce que vous n'êtes pas aussi bête que lui. » Puis elle ajouta, en me regardant en dessous, « Ni aussi laid ?»